Tin Xuan, dont le nom signifie « étoile du printemps », habitait un petit village au bord de la rivière des Parfums. Son père, un simple batelier, élevait aussi quelques vaches et la famille aurait pu vivre heureuse s'il n'y avait pas eu le démon de la vague. Chaque nuit de pleine lune, en effet, une énorme vague venait ravager la région. Elle remontait la rivière à la vitesse d'un cheval au galop, provoquant le naufrage des jonques et des sampans, engloutissant bêtes et hommes. Les sages du village pensaient que dans cette vague vivait un terrible démon qui dévorait tout. Les bateliers tentèrent d'apaiser la colère du démon. Ils lui offrirent des bateaux sculptés dans des troncs de bananiers aux voiles ornées de fleurs et de papier d'or. Ils lui promirent de construire une magnifique pagode en son honneur, s'il consentait à les laisser vivre en paix. Mais le génie continuait d'enlever le meilleur bétail des villageois qui bientôt allaient être réduits à la misère. Le poisson avait fui les eaux de la rivière et seuls de rares légumes poussaient dans les champs qui bordaient la jungle. Les sages décidèrent d'implorer l'aide de l'empereur. Celui-ci, un homme audacieux et habile à toutes les armes, ne rêvait que de chasse et de combat. « Je viendrai le jour de la prochaine pleine lune avec les plus braves de mes guerriers. » promit-il. « Je jure de vous débarrasser de cet esprit malfaisant. » Mais en attendant, les villageois vivaient dans la peur. Xuan partit un matin se promener toute seule dans la jungle. Sa maison était devenue tellement triste. Sa mère pleurait toute la journée. Tout en marchant, elle réfléchissait. Je voudrais aider ma famille, mais comment ? La rivière coulait sous les branches basses d'un frangipanier. En se penchant pour cueillir une fleur de cet arbrisseau, elle aperçut une araignée qui se débattait dans le courant. « Quelle horrible bête !» se dit-elle. « Elle pique, elle effraie les tout-petits, et sa mort ne fera de peine à personne. » Mais elle eut pitié de l'insecte qui se noyait et lui tendit une longue tige de bambou. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque l'araignée, une fois en sûreté sur la rive, lui parla. « Pour te remercier, je vais te confier ce que j'ai de plus précieux, mon secret pour tisser des toiles. Écoute bien, car un jour, cela pourrait être utile. » Tin Xuan suivit l'araignée jusqu'à la fourche d'un flamboyant. « Avec une toile bien faite, je peux capturer un insecte bien plus gros que moi. Sache que parfois, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais le plus habile. À présent, sois attentive. » Avec ses 8 pattes, l'araignée fila une magnifique toile. La fillette, assise sur une grosse branche, regardait de tous ses yeux. Tin Xuan remonta vers le village. Le soleil était encore haut dans le ciel. En sortant de la forêt, elle vit les autres enfants qui jouaient avec des lianes. Elle s'arrêta net. Écoutez-moi, je crois avoir une idée pour venir à bout du démon de la vague, mais j'ai besoin de vous. Est-ce que vous m'aiderez ? Oui, cria un garçon, car c'est toi qui inventes les jeux les plus intéressants. Alors, il faut aller couper autant de lianes que nous le pourrons. Et les enfants disparurent tous dans la forêt. Pendant des jours et des jours, tous les enfants du village apportèrent à Tin Xuan des brassées de lianes qu'elle tissait inlassablement en suivant les conseils de l'araignée. Quand l'un de ses camarades lui demandait ce qu'elle faisait, elle répondait « Parfois, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais le plus habile. Patience !» Quand la lune fut presque pleine, Tin Xuan avait confectionné un filet assez grand pour relier les deux rives de la rivière des Parfums. Aidée des autres enfants, elle l'attacha solidement à deux évéas. Les adultes s'étonnèrent. Que peuvent quelques lianes tressées face à la puissance d'un démon? Ton filet sera emporté comme un brin de paille. Pourtant, ils aidèrent les enfants à tendre le filet entre les arbres. Vint le jour où la lune devait atteindre son plein. L'empereur, escorté de 100 gardes, entra dans le village au son des tambours de bronze. Il se posta à un coude de la rivière et fit braquer vers l'eau un canon garni de boulets d'or, car ce métal a la propriété de résister aux forces magiques. L'empereur lança alors un défi au démon. Dans les eaux profondes, tu es le maître! Mais je suis le roi de cette terre. Retire-toi loin de ce rivage ou viens combattre. Des bouillonnements apparurent alors à la surface de l'eau noire. Bientôt, le soleil descendit à l'horizon. De gros nuages sombres cachèrent les premières étoiles. Les villageois s'étaient rassemblés autour de l'empereur et de ses soldats. Ting Xuan se serrait contre sa mère, effrayée. Qu'allait-il se passer? Un grondement annonça l'approche de la vague. On vit s'avancer une énorme muraille d'eau, au centre de laquelle le démon soufflait de toutes ses forces, couchant les arbres et faisant s'envoler les toits des maisons. L'empereur donna alors l'ordre de tirer. Mais les boulets d'or restèrent impuissants et la montagne liquide passa dans un hurlement, emportant avec elle 50 guerriers. Les villageois poussèrent des cris d'effroi. Les enfants, eux, couraient sur la berge, suivant la vague monstrueuse qui se précipitait vers leur filet de lianes. À la surprise générale, la vague se brisa sur la toile d'araignée géante et se fragmenta en 1000 ruisselets qui se répandirent dans les champs. Quant aux soldats, ils furent projetés sur la rive sains et saufs. Le vacarme cessa instantanément. Le démon, vaincu, s'engloutit à jamais dans les eaux de la rivière. Mais avant de disparaître, il laissa échapper un long gémissement et sa voix ressemblait au bruit de la tempête dans les bambous. « Tu as gagné, petite fille, car ma force ne peut rien contre la patience ni contre les efforts de ceux qui s'entraident. » Tous laissèrent éclater leur joie. Les bateliers hissèrent les enfants sur leurs épaules et les villageois les acclamèrent. Seul l'empereur, dont la fierté avait été atteinte, gardait un visage mécontent. Pourtant, avant de quitter le village, l'empereur fit appeler Ting Xuan et lui remit une épée dans un magnifique fourreau de jade. « Tu mérites la récompense que j'accorde aux plus braves de mes soldats, » dit-il. Au premier rang de la foule, la mère de Ting Xuan sourit avec fierté. « Ce n'est pas moi qui ai vaincu le démon de la vague, » répondit Ting Xuan. « Alors qui est-ce ? » « L'araignée. » Et la fillette raconta toute l'histoire au souverain. Depuis ce jour, les habitants du village font très attention à ne jamais écraser une araignée. Dans les champs inondés, ils ont appris à cultiver du riz et mangent désormais à leur faim. Ainsi, le terrible démon a fini par contribuer à leur bonheur.